Nous aussi, on fait un petit résumé, ok? J'ai quelques citations, j'ai quelques chiffres. Un vieux pasteur disait, à propos des évangiles, Matthieu, trop juif. Trop rigolé, hein? Luc, trop grec. Jean, trop mystique. Marc, trop Marc. C'était pour vous dérider. Marc, c'est trop puissant. On ne sait pas trop comment le définir. Saint Augustin disait, Marc, le plus divin de des abréviateurs. C'est vrai qu'il est concis, mais il y a tout dedans. Jésus appelle Dieu son Père 5 fois dans Marc. Jésus appelle Dieu son Père 5 fois dans Marc. Dans Jean, 100 fois. On n'a pas le même angle, ok? On est là. Le terme « les 12 » revient 11 fois dans l'évangile de Marc. Peut-être que Marc voulait faire un pied de nez à Judas, qui monopolise 3 fois le terme « l'un des 12 », « l'un des 12 », « l'un des 12 », alors qu'à la fin, il sera remplacé, je ne sais pas. Mais on voit que Jésus va conduire les 12 sur des étapes clés. La tradition a peint des portraits des évangélistes. Marc est représenté par un lion, car c'est l'évangile de la puissance. Matthieu, un homme ou un ange, Luc, un taureau, Jean, un aigle. Ça va pour les citations? Un tout petit résumé, j'ai essayé, je suis désolé Philippe, je suis désolé Stéphane, j'ai pris des passages clés, je vous ai pas chanté votre message, mais j'ai essayé de... Hein, ça va? Je suis désolé d'avance. J'ai pris un passage dans Actes 37 à 38. J'ai l'impression que c'est comme si Pierre il avait résumé l'évangile qu'il avait dicté à Marc. Acte 10, versets 37 à 38, vous pouvez le prendre, hein. Les paroles de Pierre à Corneille forment un parfait résumé de l'évangile de Marc. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. J'ai trouvé ça formidable. Pour introduire, vous rappelez, avec Philippe, en tout cas, j'ai retenu les 3 points, les 3 aspects de la bonne nouvelle de l'évangile. Vous rappelez, la gloire de Dieu, la croix de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Après que Jean, Marc 1, verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Ça, on a vu. Hein. On a vu aussi avec Stéphane que non seulement Jésus guérit, mais il pardonne les péchés. En tout cas, moi, ça m'a marqué. Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc 2, verset 15. Et on va se poser la question aujourd'hui, quelle est la condition pour ça? Pour que ça se produise? Quelle est la condition pour qu'une personne s'approche de Jésus et que ses péchés lui soient pardonnés? Indice du jour, entre autres, c'est une question de terrain. Vous avez compris. Aujourd'hui, on va voir, entre autres, que le but de Marc, dans ce qu'on va lire là, c'est de, et peut-être dans l'Évangile aussi, entre autres, c'est de faire passer le lecteur des gens du dehors aux gens du dedans. Et ça va être très clair dans ce chapitre-là. Parfois, désopilant, c'est l'Évangile. Moi, je suis content de prêcher l'Évangile parce que c'est... C'est pas moi qui fabule, je lis, et c'est Jésus qui dit les choses. C'est pourquoi Marc se place en témoin externe, pour nous amener du dehors au dedans. Prenez Marc, versets 10 et 11, j'ai déjà cité sur le montage, pour moi c'est un peu la clé. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12, il n'y a pas que les 12, il y a ceux qui ont écouté, qui sont approchés, qui l'entouraient, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. J'ai bloqué là-dessus et je crois qu'on a des choses à prendre là-dessus. 3 points, je ne vais peut-être pas du tout les citer, mais je vais parler que de ça tout au long. Premier point, c'est la séparation entre ceux du dehors et ceux du dedans. Et c'est très clair. Les intimes, les disciples, les 12, c'est ceux du dedans. Deuxième point, c'est ça. Ceux du dedans, Jésus va les former. Tout le long, les disciples. Il va les former, il va les pétrir, et il va les amener au cœur de l'évangile. Et le troisième point, qui est Jésus? Ça, c'est pas compliqué. On va voir dans le chapitre 5 encore plus fort que dans le chapitre 4, qui est Jésus? Je me suis posé cette question qu'on se pose quand on voit les choses qu'il a fait. Voilà. On peut lire, on va quand même lire au moins la parabole du semeur, parce que je vais passer un petit temps là-dessus. Et après, on lira pas, parce que c'est très court, mais vous pouvez survoler en même temps que moi. Donc, Marc 4, versets 1 à 20. Vous lisez avec moi. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils n'aperçoivent point. Et en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le Seigneur sème la parole, les uns sur le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ouf ! Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. C'est un peu long, mais j'avais besoin de ça. Vous avez remarqué ce verset, moi je suis tombé dessus et je restais bloqué là-dessus, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas, quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ça fait peur un peu, non? Il cite Ésaïe. Ésaïe 6, 9 et 10. Pour se convertir, il faut passer du regarder au voir. C'est pas la même chose. Il faut passer de l'entendre à écouter. Et ceux du dehors, ce sont ceux qui n'ont pas encore compris le mystère du royaume. Pour eux, c'est quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui se situe tellement en dehors de tout ce qu'ils ont écouté qu'ils voient peut-être l'apparence du royaume. Mais c'est une énigme pour eux. Marc veut nous montrer qu'il faut passer du dehors au dedans. Et c'est évident. C'est aussi le but de Jésus, bien sûr. Mais vous allez être surpris comment Jésus, lui, connaît les cœurs. Il ne s'illusionne pas avec la foule. Regardez verset 12. Le passage qu'on vient de lire. Il s'occupe à enseigner seulement ceux qui sont venus du dehors au dedans. Ceux qui le suivent dans l'entourage de ses disciples. Et bien sûr, ses disciples. Les autres en dehors ont déjà rejeté Jésus dans leur cœur. Ils n'ont pas accepté la lumière. C'est pourquoi Jésus leur parle avec la parabole du semeur. C'est très clair. Il leur dit, les trois mauvais terrains représentent votre cœur, que celui qui a des oreilles écoute. Et venez, certains sont venus. Lorsqu'on passe du dehors au dedans, c'est qu'on est passé de l'extérieur à l'intérieur de l'intimité avec Jésus. Plusieurs étapes sont nécessaires, je crois on l'a vu plusieurs fois dans les différents messages, la repentance bien sûr, changer radicalement, c'est ce que Jésus dit, et ça change tout. Et aussi, comment on dit ça? Assez d'humilité pour accepter son état de misère, c'est impératif pour venir à Jésus. Il n'y a pas de propre justice. Et la deuxième condition, c'est reconnaître son besoin de lui. Reconnaître son énorme besoin de lui, notre misère spirituelle. Croire, bien sûr, la troisième chose. Si on ne croit pas, si on n'accepte pas la parole, rien ne se passe. Il y a seulement un terrain qui va recevoir vraiment la graine. Bon, les autres, il y en a trois qui ils l'ont aussi reçu, mais ils ne l'ont pas reçu de la même manière. Ça n'a pas pénétré. C'était tellement dur que ça a été enlevé, ça a été étouffé, ou alors il n'y avait pas de quoi pousser. Donc, c'est très clair. Seulement un terrain recevra vraiment la parole de Dieu, et seulement un terrain apportera du fruit. C'est une leçon aussi pour les disciples. Regardez toujours Jésus. Quand il se balade, il y a toujours une foule autour de lui, et il y a qui vient à lui? Il y a souvent une personne, deux personnes qui viennent à lui, qui viennent jusqu'à Jésus. Vous allez me dire, bah, c'est normal, ils sont possédés, ils sont malades, ils sont tout ce que vous voulez. Ils ont besoin de Jésus, les autres, bon, bah, ils n'en sont pas à ce point-là. Bah oui, mais malheureusement, ils sont pas malades, mais ils sont malades à l'intérieur. Et peu le reconnaissent. Regardez Jaïrus, il y a plein de monde autour de lui. Bah, c'est Jaïrus qui rencontre Jésus. Il y aura une femme qui va en profiter, alléluia. Mais c'est pauvre, parfois. Alors, je vous pose la question, quand je suis face à l'évangile de Christ, est-ce que je suis en dehors ou est-ce que je suis en dedans? Jésus s'occupe de ceux qui reconnaissent leur manquement. C'est une chose que les disciples doivent apprendre. Il y a un terme, l'endurcissement, on l'a déjà vu, je crois, avec Stéphane, qui dit aussi l'aveuglement, empêche la parole de Dieu de pénétrer dans le terrain et de transformer le cœur de l'homme. Si la parole ne pénètre pas, l'esprit ne peut pas agir. 2 Corinthiens 3, 14 à 18, ne le prenez pas. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est quand on est à lui. J'ai trouvé pertinent ce passage-là, où il parle des Juifs. Ils sont dans cette situation-là. On a dit avec Stéphane qu'il est possible de mettre le comble au rejet total de l'Évangile de Dieu. Vous vous rappelez, avec l'exemple des Pharisiens, je crois que c'était celui qui a la main sèche qui est délivré, c'est ça? Et il lui dit, mais tu fais ça avec un esprit de démon. Puis j'ai posé la question, ça rejoint exactement ce que je dis. Ils ont reçu, on l'a vu dans ce texte, la révélation du Père, la loi, les prophètes. Leur Père, on va dire, l'ont rejeté. Mais eux-mêmes ont fait pareil avec Dieu. Ils préfèrent s'occuper du iota de la loi, de respecter les ablutions. Dans leur cœur, ils ont déjà rejeté Jésus, on l'a vu avec Stéphane. Et ils sont testés, ils testent Jésus, alors le sabbat, tu respectes pas le sabbat. Puis alors le jeûne, tu jeûnes pas. Puis alors tu vas chez un pécheur, etc. Ils ont déjà rejeté Dieu le Père, ils ont déjà rejeté Dieu le Fils, parce que on voit dans le passage que Stéphane a parlé juste après, que leur cœur est endurci et qu'ils vont, tout de suite après, c'est marqué aussitôt, ils vont comploter avec les Hérodiens pour le faire tuer. Donc, ils en sont au bout. Les Hérodiens, c'est leurs pires ennemis. C'est ceux qui aiment Hérode, le roi, l'empereur romain. C'est leurs pires ennemis. Donc, ils en sont au bout. Ils ont rejeté Jésus. Et en insultant l'esprit de Jésus, en le qualifiant d'esprit impur, de Belzébul, ils rejettent la dernière manière par laquelle Dieu peut encore pardonner. C'est comme si on a le pardon de Jésus, et eux, ils sont allés encore plus loin. C'est possible, ça? Apparemment, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé d'illustrer mes propos. Peut-être c'est possible d'aller plus loin. C'est comme si ils avaient tout rejeté. Et certains pharisiens ont choisi de tout rejeter. Et l'incrédulité est à son terme. Vous vous rappelez Pharaon? Pharaon endurcit son cœur. Il endurcit son cœur. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est fini. Donc c'est un avertissement. Que Jésus nous donne. Est-ce que ton cœur est prêt à écouter la parole de Dieu? C'est ce qu'il nous dit. Écoutez vraiment. Est-ce que ton cœur est prêt à lire la parole de Dieu? Dieu utilise parfois les circonstances difficiles, les impasses, la souffrance pour labourer dans ses reins. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne vais pas aller dans les choses qui ne sont pas dans le texte, mais ça va être très clair avec les disciples. Dieu travaille aussi le cœur des disciples pour que nos oreilles puissent vraiment entendre, être dépourvues de notre chair, de notre incrédulité. On passe parfois par des moments difficiles où le terrain il est trop dur, où le terrain il est infesté de choses. Donc, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur l'endurcissement ou l'aveuglement du corps, du cœur? C'est parce que c'est ainsi que l'Évangile fait le tri entre ceux qui sont du dehors et ceux qui sont du dedans, entre ceux qui entendent avec leurs oreilles, dépourvus d'humilité, incrédules, et ceux qui entendent avec le cœur. Jésus ne se fait pas d'illusions sur le cœur des gens. Il sait qu'ils ne sont pas là en foule pour le suivre. Il sait qu'ils ne sont pas là pour le connaître vraiment. Et on le voit. Il y a quelques-uns qui s'approchent pour former son entourage, c'est marqué, avec les 12. Et ceux-là, il va les former. Ceux-là, ils sont en même de comprendre. Ceux-là, ils sont en même de, au moins de goûter, de savoir de qui est Jésus. Et la parabole du semeur s'applique, on pourrait dire, en live. Très peu ont une terre qui est prête à entendre la parole de Dieu. Encore moins pour l'accepter. Quand on voit même tous les disciples qui ont suivi Jésus, c'est pas dans Marc, mais plus loin, sur le sermon sur la montagne, il y a tout le monde qui fout le camp. Il y a tout le monde qui part. Son enseignement est trop dur. Et il reste une poignée de disciples. Et Jésus ne le retient pas. Il leur dit, mais ça c'est l'Évangile. Est-ce que vous voulez partir aussi? Mais non. À qui irions-nous? Tu vois les paroles de la vie éternelle. Ils ont saisi la parole de Dieu. Et je crois que c'est le message de la parabole du semeur. Ils ont saisi la parole. Et ils ont la vie éternelle. Le peuple d'Israël a-t-il reconnu la lumière? On a vu que non. Est-ce qu'ils ont reconnu le bien-aimé Fils de Dieu? On voit que non. Il devient évident que non. Un second ordre doit commencer. Et Jésus commence avec cette parabole. On l'a déjà commencé avant. Au lieu d'exiger quoi que ce soit comme le régime de la loi, le Seigneur sème la parole. Et ceux qui resteront avec lui le suivront, accepteront la parole et porteront vraiment des fruits. Ceux-là seront dignes du royaume de Dieu. Dieu est juste. Et si tu choisis de fermer ton cœur, comme beaucoup l'ont fait ici, il va appliquer la stricte justice à ton choix, si tu le choisis. Dieu est juste. Et aussi pour ce domaine-là. Si tu choisis d'être dehors, c'est le royaume des ténèbres. Jésus est le dernier des prophètes. Vous vous rappelez? Eh oui. Il accomplit la parole par ce qu'il dit, il accomplit la parole par ce qu'il fait. On pourrait, avec Philippe et Stéphane, recommencer depuis le début et dire, regarde, regardez, il accomplit les prophéties. À chaque fois, qu'il parle, il accomplit une prophétie. Qu'il fait quelque chose, il accomplit une prophétie. Et c'est exactement pareil dans la parabole du semeur. Il juge déjà, on pourrait dire, d'avance, par son sacrifice plus tard, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. La seule manière de savoir si quelqu'un est vraiment converti, peut-être vous posez des fois la question, bah là, ce sont les fruits. Il n'y a pas à réfléchir. Est-ce que ta vie porte des fruits? Oui. Les fruits de Galate? Oui. Alors, tu es un enfant de Dieu. On avance. La lampe sur le chandelier. C'est un titre comme ça? La lampe. On ne va pas le lire, mais cette parabole est pour ceux du dehors. Vous vous rappelez, la lampe, elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, pour prier. Jésus, avec l'exemple de la lampe, veut montrer aux disciples plusieurs responsabilités à prendre au sérieux. Il est là pour les former, pour une mission, Jean-Jacques l'a déjà dit, bien sûr. Propager la lumière. La lampe doit se consumer elle-même, on a vu avec les enfants, pour apporter la lumière. On ne peut pas donner sans recevoir. D'où les avertissements du verset 24 et 25. Prenez garde à ce que vous entendez. On mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Notre écoute au pied de Jésus et de sa parole détermine combien est-ce qu'on a à donner aux autres. Est-ce que tu as donné quelque chose aux autres? Et si nous n'écoutons pas, si nous ne lisons pas la parole, si nous ne prions pas, etc., on ne peut rien donner aux autres. Vous êtes d'accord? On peut faire semblant d'imiter ce qu'on faisait peut-être avant, mais les fruits sont en plastique. Agir ainsi, c'est dissimuler la vérité, et c'est marqué que toute chose va être découverte, verset 22. Rien n'est caché, devait être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Tôt ou tard, on reconnaît l'arbre à ses fruits, tôt ou tard. Si j'apprends une leçon de Dieu et que je ne suis pas prêt à la mettre en pratique, je ne peux pas transmettre aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a appris quelque chose de Dieu, et puis qu'on l'oublie, bien sûr on a perdu quelque chose, mais le plus important, c'est que ce n'est pas pour nous-mêmes qu'on l'a reçu, c'est pour aussi les autres. Alors posez-vous cette question, si je dis quelque chose aux autres et que je ne l'ai pas vécu moi-même, je n'ai aucune autorité. Moi le premier devant vous, je fais ce que je peux, mais je le sais. Je n'ai aucune autorité, si ce que je vous dis, je ne mets pas en pratique dans ma vie. C'est ça que ça veut dire aussi. La croissance de la semence. On est là, verset 26. Très petite parabole, hein. La graine, elle pousse. Ce n'est pas à vous, à nous, de juger, je me suis dit ça, qui est converti ou non, parfois en palabres. Qui sait comment la semence germe et grandit? On peut que constater le travail de Dieu et s'en réjouir. Nous, on sème. Ça tombe dans la bonne terre, ça pousse. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Alors, on peut épiloguer, oui, mais peut-être il n'est pas encore repenti, peut-être il n'est pas. Regarde, il porte des fruits. Alors, qu'est-ce qu'il peut? C'est le Saint-Esprit qui travaille. Nous ne pouvons que constater le travail de Dieu et nous en réjouir. Cette parabole confirme ce que Jésus veut enseigner aux disciples. La vision du semeur, sa responsabilité. La semence est plantée dans la bonne terre. La parole va agir, la parabole peut-être aussi, et elle ne retournera pas à lui sans effet. C'est un mystère pour nous, mais lorsque le Saint-Esprit agit par la parole de Dieu, les résultats sont extraordinaires. Vous le constatez vous-même quand quelqu'un découvre le Seigneur. Et il porte du fruit, bien sûr. Alors, la suite, bien sûr, ça ne change rien à la formation que je dois avoir, la formation de disciples que Jésus va faire. On ne parle pas de la même chose, là, on parle juste de la conversion. On ne parle rien, à part semer, prier, et là, regardez, être spectateur. Le grain de sénévé, ou le grain de moutarde, c'est une parabole pour les disciples, et un encouragement. Moi, je pense aussi à un avertissement, mais c'est un peu ce que je pense. Un encouragement, car cet arbre, une toute petite graine qui est plantée, va devenir la plus grande du jardin. L'évangile avec puissance. Elle annonce les débuts de l'évangile prometteur et une multiplication des disciples formidables pour aboutir à un grand royaume de Dieu. Mais nous devons, en tout cas moi je le pense, on doit prendre au sérieux que les oiseaux du ciel qui viennent se nicher dans l'ombre, comme un avertissement, c'est mon avis, Jésus utilise toujours la même explication, j'ai trouvé, quand il parle d'une même image. Et là, en plus, on voit qu'il parle de cette même image le même jour. Hein. Vous voyez, verset 35, ce même jour, il est passé de l'autre bord. Donc, c'est très proche. Moi, je ne peux pas croire que les oiseaux, ces mêmes oiseaux, deviennent bons d'un seul coup. Enfin, bref. Pour moi, c'est la même signification. Satan, là, ne vient pas enlever la parole, mais il vient dans l'ombre, il s'immisce dans le royaume. Et c'est un avertissement pour nous. Et je crois, là, les épîtres sont remplis de cet avertissement. Et j'ai vu aussi dans les autres évangiles que Matthieu, Luc utilisent d'autres images. Je trouve qu'ils leur ressemblent. Matthieu, c'est juste après la parabole du semeur, c'est l'ennemi qui vient la nuit et qui sème aussi la mauvaise graine. Et après tout pousse et les armées disent non, on va pas les arracher maintenant parce qu'on va risquer d'enlever le bon. On attend, on fera le tri après. Et la même chose dans notre évangile, les pêcheurs, ça devait vraiment parler aux disciples. Ramasse avec un grand filet, comme le grand arbre, mais tout ce qu'il y a, tous les poissons, et il doit trier. Et bon, moi j'ai compris ça comme ça, cette histoire des oiseaux là. La mauvaise herbe est triée par l'ennemi, le poisson trié. Faisons attention. Je crois que c'est un avertissement. On avance. Ça va? Vous n'êtes pas endormi? Moi pas. Jésus apaise la tempête. J'ai trouvé un peu light comme titre, mais j'ai pas eu le temps d'en trouver un autre. Verset 35 à 41, on va pas le lire, hein, vous avez vu. Les disciples sont ceux qui sont au-dedans, c'est mon terme. On voit que Jésus les conduit dans une progression jusqu'à leur limite. Et là même, Jésus lui-même est parfois presque désespéré. En tout cas, plusieurs fois, il leur dit, je sais plus les termes qu'il emploie, mais il est un peu las de voir que bon, ça avance pas autant qu'il aurait pensé. La deuxième fois qu'on trouve le terme les douze, la dernière fois qu'on trouve le terme les douze, c'est dans un contexte de trahison. Le cœur endurci de ceux du dehors. Rappelez-vous, je vous ai parlé de Marc 3, verset 5. Les pharisiens qui lui disent tu as un démon, tu délivres par un esprit de démon à Jésus. Et Jésus, juste avant qu'il leur dise ça, il regardait la foule dans la synagogue. Et c'est marqué qu'il avait un regard de colère et aussi, c'était pas de compassion, mais c'était d'affligement. Il était affligé. Et c'est aussi marqué qu'il était affligé ou, il y avait un autre terme, j'ai oublié, indigné, à cause de leur cœur endurci. Et ce même terme, il va être appliqué aux disciples. J'étais étonné. Dans Marc 6, plus loin, Marc 6, 52, la même situation, la tempête, etc. Ils voient Jésus marcher sur l'eau, et il y avait le miracle des pains avant, qu'ils n'ont pas compris, c'est marqué qu'ils ne comprenaient pas le miracle des pains. Ils avaient le cœur endurci, c'est le même terme. Donc il y a du travail à faire aussi avec les douze. Hein. Le même terme pour les disciples, c'est marqué verset 52, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que le cœur était endurci. C'est Marc 6, 52. Jésus s'apprête à apprendre une leçon aux disciples. Elle est très courte ici. Et comme on est dans le thème des semences, rien de tel qu'un petit grain. On appelle un grain quand il y a une tempête, c'est un lac. Voilà. J'ai pensé, quand on lit ça, c'est très rapide, mais j'aime bien le film Bienvenue chez les Ch'tis. Quand il passe le panneau par Pas-de-Calais, et la drache qui tombe, c'est exactement pareil ici. Sauf qu'ils ont passé le panneau Bienvenue dans le pays de Gadara, avec les démoniaques qui attendent à la fin. Et il y a un gros tourbillon qui arrive. C'est la même chose. Mais Jésus est maître de l'univers. Les flots, le vent, même la drache du nord, s'il veut, c'est pas un problème. Jésus veut apprendre une courte leçon aux disciples, il veut leur apprendre à compter sur lui dans n'importe quelle situation, même dans les pires tourments de leur vie. Ils doivent apprendre que malgré les apparences, lorsqu'on est avec Jésus, on ne sombre pas. J'ai l'impression que ça doit être plus dur pour les... parce que c'est marqué qu'il y avait plusieurs barques qui suivaient Jésus. Je sais pas, les disciples, la tronche qu'ils avaient dans les autres barques, à mon avis, ils devaient bien... je sais pas s'ils devaient bien plus flipper, mais en tout cas, ceux dans la barque, ils n'ont pas tenu longtemps, hein. Et puis il y a une petite anecdote de Marc toujours sympa que Philippe nous avait dit. Jésus dormait sur un coussin, à la poupe, il n'y a personne d'autre qui raconte ça, c'est rigolo. Mais Jésus ne s'inquiète pas. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Ils doivent apprendre le combat spirituel. Ami Car Michael, une citation. Tu es le Seigneur qui dormait sur le coussin, tu es le Seigneur qui calma la mer furieuse, qu'importe le vent impétueux et la vague houleuse, si dans les mêmes barques, si dans la même barque, tu partages notre destin. Malgré les apparences, lorsqu'on est avec Jésus, rien ne peut sombrer. Pas notre foi, en tout cas. Ils doivent apprendre aussi le combat spirituel. Ça, j'en ai parlé courtement. La tempête, c'est aussi le prince de la puissance de l'air qui se déchaîne. Il déchaîne son pouvoir, car Jésus va directement rencontrer un démoniaque possédé d'une armée de démons. Mais la puissance de Jésus va maîtriser la situation sans difficulté. On arrive à chapitre 5. Ils ont fait un trajet avec une méga tempête. Pourquoi? Pour un pauvre type. Excusez-moi, mais il est dans une misère incroyable, ce type-là. Une misère incroyable. Tout ça pour ça? Je crois que c'est une leçon aussi pour les disciples. Le gars est dans un état le pire qu'il aurait jamais pu exister. Et Jésus avertit ses disciples. C'est un peu comme à la fin de la parabole du semeur. La graine donne du fruit, 30, 60, 100. Oh, c'est pas la même chose, hein. Il y a du 30%, là. Le résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances. En apparence, il n'y a qu'un bonhomme qui est là, qui va être puissamment délivré, qui va retrouver son bon sens. Et quoi? Rien d'autre? C'est tout? On est venu pour ça? Tu rigoles, Jésus, on en a basé, là. Les habitants ne préfèrent voir que 2000 cochons, ça, on l'a vu. Ah ouais. Ils préfèrent voir ça que le gars qui a été délivré d'une légion de démons. Je sais pas comment il en est arrivé là. Je sais pas combien il y en a exactement. 2000 cochons. Est-ce qu'un démon remplit 5 cochons? J'en sais rien. C'est ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça doit être quand même impressionnant de voir 2000 bêtes. Donc, il y avait du pouvoir là-dedans. Oui. Beaucoup de gens préfèrent s'éloigner le plus possible de Dieu, comme les habitants de Gadara. Va-t'en, ils lui disent. De peur que la proximité avec Jésus ne nuise à leur confort social, à leur compte en banque, à leur personne. Jésus dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, c'est pas dans Marc. Jésus sait que non seulement le grain doit porter du fruit, mais qu'il doit aussi apporter la lumière, ça on l'a vu. C'est pour ça qu'il refuse à ce gars qui était délivré. Bon, Matthieu dit qu'il y en a deux, mais il le dit très courtement, je sais pas. Les autres disent qu'il n'y en a qu'un, bref. C'est pas ça l'important, c'est que Jésus lui dit, j'ai besoin de toi dans la décapole. Il y a 10 villes qui ne veulent rien savoir de moi. Retourne chez toi dans ta famille et raconte ce qui t'est arrivé. Voilà, Jésus est vainqueur sur Satan. La puissance qu'il déploie, ça m'a fait penser à la puissance que Jésus retient face à Pilate. Ça vous dit rien, une légion? On le voit pas dans Marc, mais à un moment donné... Pilate lui pose des questions, Jésus répond rien. Pourtant, il pourrait répondre. Et à un moment donné, il dit quelque chose à Pilate. Matthieu 26, 53. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait 12 légions d'anges à mon secours. À coup de légion, c'est Jésus le plus fort, hein. Ça, on a vu. Jésus s'est battu avec la parole de Dieu lors de la tentation. Vous vous rappelez? Afin de ne pas lui obéir. Ici, par contre, on dirait presque qu'il est OK pour les cochons. Comme s'il obéissait un peu. Mais c'est pour mieux démontrer sa puissance, la puissance de Dieu. Si nous ne connaissons pas notre Dieu, nous ne connaissons pas les Écritures, parabole du semeur, nous ne connaissons pas non plus la puissance de Dieu dans notre vie. Et c'est le reproche que Jésus fait aux pharisiens. On le verra chapitre 12, verset 24. Vous êtes dans l'erreur et en voici la raison. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus guérit une femme et ressuscite la vie de Jaïrus. C'est mon titre. Moi, j'aurais préféré Jésus guérit l'incurable et Jésus est vainqueur sur la mort. Donc, Jésus est parti, hein, il est allé ailleurs, à Capernaum. Jaïrus est là. Beaucoup de gens étaient impatients de voir Jésus. Beaucoup de gens étaient impatients de le voir partir. Il y en a d'autres qui sont impatients de le voir arriver. Jésus aime autant Jaïrus, qui est chef d'une synagogue, qu'une pauvre femme qui n'a plus d'argent et plus de dignité, qui est impure. Une hémorragie, c'est ça. Socialement, avec les Juifs, c'est catastrophique. On est impur, on est complètement écarté. 12 ans, c'est le chiffre à retenir. Si Jésus agit, Jaïrus ne va pas perdre 12 ans de bonheur avec sa fille, qui meurt. Et la femme va enfin mettre un terme à ces 12 années de maladie terrible, perdue à courir les médecins et à dilapider tout son argent. Tout l'argent de Jaïrus ne lui sert à rien si sa fille meurt. Tout l'argent que cette femme a dépensé chez les médecins ne l'ont pas délivré. Et cette maladie incurable qui progressait en elle. Il y a aussi une autre leçon, tout le monde n'a pas la même foi. En tout cas au début. La femme est très timide, elle essaye de passer inaperçue, touche le manteau, libre. C'est pas exactement c'est quoi sa foi. Si, après, ça nous le révèle, Jaïrus, lui, il prend son courage à deux mains, il est le premier sur la berge. Il prend sur lui. Parce que les pharisiens qui vont se taper après, qui vont nous dire, c'était avec qui, là, t'as fait quoi, là? Et il va se les prendre, hein, c'est le chef d'une synagogue. De toute façon, il va payer quelque chose. Pas la même foi. Mais finalement, les deux croient que seul Jésus peut faire quelque chose dans les situations extrêmes. Dieu s'occupe de leur foi, à eux deux, comme Dieu s'occupe de nous, de notre foi, comme Dieu s'occupe de la foi des disciples. Il va aider la femme à prouver sa foi par son témoignage. Qui m'a touché? Afin qu'elle dise toute la vérité, qu'elle rende le témoignage. Il va aider Jaïrus à ne pas faiblir dans la foi. Vous vous rappelez? Quand les hommes viendront lui dire que sa fille est morte, première parole de Jésus, ne crains pas, crois seulement. Quand on s'approche de la maison, on entend déjà les pleureuses professionnelles qui sont là. Oh là là, vous commencez à l'époque. Et là, imaginez Jaïrus et Jésus qui lui dit, ne pleurez pas. L'enfant n'est pas morte, et elle dort. On pourrait dire que c'est pas forcément rassurant, mais ça aide la foi des Jaïrus en tout cas. Et la foi des Jaïrus s'est dernièrement éprouvée avec cette dernière parole de Jésus. Jeune fille, lève-toi. On va y revenir. Une leçon de courage. L'homme a souvent plus de difficultés à témoigner dans sa propre maison. L'homme masculin, peut-être. Il est plus à prendre des risques en public, à prendre des basses. Jésus va apprendre à Jairus à le faire, non pas seulement en chemin devant tout le monde, mais dans sa propre maison. La femme est souvent plus à même de témoigner dans son entourage qu'en public, peut-être. Mais Jésus va aider cette femme à vaincre sa peur et à rendre gloire à Dieu, autant dans cette foule qu'elle le fera sûrement chez elle quand elle va rentrer. Elle n'aura pas le choix. Vous imaginez comment ça va changer. Donc, Jésus nous apprend beaucoup de choses. Finalement, les deux trouveront en Jésus la guérison. La femme a pris au sérieux la demande de Jésus et est repartie sauvée par la foi. La fille de Jaïrus est ressuscitée par la parole d'autorité de Jésus. Le monde se moque de la parole de Dieu, mais Jaïrus, lui, l'a saisie par la foi à 3 reprises. Ne crains pas, crois seulement. Elle n'est pas morte, elle dort. Jeune fille, lève-toi. Il a fait l'expérience de la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a fait l'expérience de la parole de Jésus. C'est comme là. Pour moi, c'est un peu comme la parabole du semeur. Il a pris la parole de Jésus, il a cru, ça a produit du fruit. Et il a fait l'expérience de la puissance de Dieu dans sa vie. Tous ces miracles nous montrent que Jésus vient en aide à toutes sortes de personnes. Des disciples du dedans, comme un mec du dehors, loin, inatteignable presque, possédé d'une légion de démons. Donc il est à la hauteur de toutes les situations. Cela ne veut pas dire que Dieu nous délivrera toujours des tempêtes, ou qu'il nous guérira toujours de nos maladies, ou de nos souffrances, mais ça veut dire que Jésus détient l'autorité suprême. Et que le meilleur endroit pour être à l'abri, c'est auprès de Jésus. Ça, on l'a vu. Je vous cite Romains 8, 37 et j'en ai fini. Et dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Amen. Nous aussi, on fait un petit résumé, ok? J'ai quelques citations, j'ai quelques chiffres. Un vieux pasteur disait, à propos des évangiles, Matthieu, trop juif. Trop rigolé, hein. Luc, trop grec. Jean, trop mystique. Marc, trop Marc. C'était pour vous dérider. Marc, c'est trop puissant. On ne sait pas trop comment le définir. Saint Augustin disait, Marc, le plus divin de des abréviateurs. C'est vrai qu'il est concis, mais il y a tout dedans. Jésus appelle Dieu son Père 5 fois dans Marc. Jésus appelle Dieu son Père 5 fois dans Marc. Dans Jean, 100 fois. On n'a pas le même angle, ok? On est là. Le terme « les 12 » revient 11 fois dans l'évangile de Marc. Peut-être que Marc voulait faire un pied de nez à Judas, qui monopolise 3 fois le terme « l'un des 12 », »,« l'un des 12 », »,« l'un des 12 », alors qu'à la fin, il sera remplacé, je ne sais pas. Mais on voit que Jésus va conduire les 12 sur des étapes clés. La tradition a peint des portraits des évangélistes. Marc est représenté par un lion, car c'est l'évangile de la puissance. Matthieu, un homme ou un ange. Luc, un taureau. Jean, un aigle. Ça va pour les citations? Un tout petit résumé. J'ai essayé, je suis désolé Philippe, je suis désolé Stéphane. J'ai pris des passages clés. Je vous ai pas chanté votre message, mais j'ai essayé de... Hein, ça va? Je suis désolé d'avance. J'ai pris un passage dans Actes 37 à 38. J'ai l'impression que c'est comme si Pierre il avait résumé l'évangile qu'il avait dicté à Marc. Acte 10, versets 37 à 38. Vous pouvez le prendre. Hein. Les paroles de Pierre à Corneille forment un parfait résumé de l'évangile de Marc. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. J'ai trouvé ça formidable.